ton sourire, tes intentions, tes petits mots doux, tes poèmes autour de mon nom. J'adore ce que t'inspires et j'en perds mes mots. Mon corps reste immobile, je perds le contrôle. Sous ton charme, je suis tombée. C'est plus qu'évident, je suis succombée. Tant de choses à te dire, je ne sais pas par où commencer. T'avoir dans ma vie, c'est tout ce que j'aime ça, ouais. Tous ces moments partagés au chaud dans tes bras. Je t'ai dans les tripes, crois-moi, yeah. Mon être entier est comblé quand je suis dans tes bras. Sous ton charme je suis tombée, c'est plus qu'évident, je suis succombée. Tant de choses à te dire, je ne sais pas par où commencer. Ha ha ha.